j'ai perdu le goût de la vie. Blasé par le système qui au fil du temps a fait de moi ce monstre vert. C'est vrai que les jours passés se ressemblent. Je ressens comme un arrière-goût de sang quand je tousse. On me la fera pas frère, j'ai déjà fait les 400 coups. Je me gratte le cou avant que ma weed se mélange à une blonde. Je tourne en rond, mes Air Max en ont des patates. Si je te mets un pied bouche, je te balafre avec mes ongles. Je suis ce genre de monstre qui n'a presque pas de cœur. J'ai la dalle, je bouffe la pro de marre des pâtes au beurre. Pas de bluff, je gratte ça dans ma grotte. Les rappeurs font de la merde, j'ai plus d'amour pour mes crottes. Le regard rouge vif envahi, t'isolite. Je mets ton rap en pièce et c'est ton cul en guise de cheerleader. La plume mon sang, ADN de Kaira sur mes mains. Plus j'avance, moins je comprends l'être humain. Sérieux, arrêtez de vous renifler le cul. Sac à puce, t'as encore de la merde sur la truffe. Monstre vert. J'fous le feu, les foules s'élèvent et j'fais jumper la foule. Fous le bordel, ouais, l'espoir vif, j'suis ce type qui a la dalle comme après avec gros pif. Monstre vert. J'fous le feu, les foules s'élèvent et j'fais jumper la foule. Fous le bordel, ouais, l'espoir vif, j'suis ce type qui a la dalle comme après avec gros pif. La rage est sortie, les histoires sont sorties d'un rappeur sans flow, c'est comme un alcoolique sans souci. J'sais pas si tu me suis, j'sais pas si tu me comprends, car c'est trop technique, tu pourrais finir dans un brancard. Elle rap m'a donné rancard, j'ai répondu présent. C'est plus qu'à temps que m'elle repart la chenée qu'en sang. J'suis dans la tourmente, pas dans les tournantes. Ce son fait le tourner comme un con d'amnésia. J'ai les gros, j'suis pas sous coque mais sous gros nambour. Donc gros savoir, tu dois savoir qui m'entoure. Trop de menteurs à balayer, à part le rap R.A.S. Tout dans la forme et dans le fond, j'en bats les yecs. C'est bestial et sanguinaire, les messes basses me donnent la gerbe. Le trou de balle dilaté, ils ne sentent même plus mes quenelles. J'touche le fond que dans une charte, c'est tout. T'as cru à la blague mais maintenant j't'étouffe. Monstre vert. J'fous le feu, les foules s'élèvent et j'fais jumper la foule. Fous le bordel, ouais, l'espoir vif. J'suis ce type qui a la dalle comme après avec grosse pif. Monstre vert. J'fous le feu, les foules s'élèvent et j'fais jumper la foule. Fous le bordel, ouais, l'espoir vif. J'suis ce type qui a la dalle comme après avec grosse pif. BSM Crew, Mytho Production, la pure caillée.